Wepa. Ça c'est la techno sous. Ah oui, Lolongomba, le propriétaire de tous les dossiers. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Avec la participation de Jocelyne Berroa. Avec ma marita de Stuttgart.